Bonjour à tout le monde et merci tout d'abord à Ludovic qui a lancé Francesco pour l'organisation de ces belles journées. Ma communication porte justement sur les limites du coopérativisme de plateforme en tant que modèle économiquement et politiquement alternatif au capitalisme de plateforme. En particulier, le mouvement lancé par Scholz et Schneider, dès le début, a dû faire face à plusieurs défis qui ont mis en cause sa capacité de devenir une véritable alternative aux plateformes capitalistes. C'est pour cette série de raisons qu'il importe de problématiser le potentiel politique du coopérativisme de plateforme tout en s'inscrivant dans le sillage des questions déjà posées par Marx à cet égard sur le mouvement coopératif à son époque, au moment où il se demandait dans quelles conditions le coopérativisme aurait pu avoir une puissance telle à mettre au défi le système de subordination du travail au capital. La question que l'on se pose est donc comment faire que le coopérativisme de plateforme acquiert une ampleur telle à miner les bases du capitalisme de plateforme tout en promouvant la construction d'une société post-capitaliste. Pour y répondre, le cadre théorique à employer sera celui du commun comme mode de production, dans la mesure où le mouvement des plateformes coopératives peut être inscrit dans un mouvement plus général traversant nos sociétés, mouvement qui s'articule autour de l'émergence de la réappropriation du commun en tant que produit de la coopération sociale. L'hypothèse qui accompagne ce travail est que l'approche du commun comme mode de production, en tant que théorie capable d'intégrer l'articulation des différentes instances émancipatrices et de les ancrer dans les conditions matérielles où se réalise la coopération sociale à l'époque du capitalisme cognitif, représente la perspective la plus appropriée pour saisir les problèmes du coopérativisme de plateforme, les problématiser et jeter les bases pour penser à des solutions à la hauteur des enjeux politiques contemporains. Dans cette communication, finalement, il ne s'agira pas de donner des réponses définitives, mais plutôt de partager avec vous un travail préliminaire qui servira de base théorique pour une recherche future où ces hypothèses seront testées à partir de l'étude des cas concrets. Tout d'abord, on va essayer de justifier le choix de ce cadre théorique. On peut commencer tout en considérant l'objet plateforme. Bien qu'il y ait un certain nombre de caractères inhérents à l'économie de plateforme, si l'on se concentre sur la façon dont la valeur économique est produite, on comprend que la plateforme ne constitue pas une forme d'organisation de la production complètement inédite. On peut tout au contraire en retracer la continuité avec l'entreprise classique en tant que centre techno-institutionnel d'appropriation du travail et par conséquent de valorisation du capital. Peu importe les moyens employés à cette fin ou que cette appropriation soit directement organisée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. La logique est, sous ce point de vue, toujours pareille. D'ailleurs, l'émergence des plateformes numériques s'inscrit dans une crise plus longue concernant les processus d'accumulation du capitalisme, en l'occurrence la faiblesse des taux d'investissement et des gains de productivité. C'est justement à cause de ces aspects que l'entreprise plateforme peut être considérée comme une variation sur le thème de la captation de valeur dans l'économie capitaliste et que donc le modèle des plateformes doit être compris à la lumière des dynamiques du capitalisme contemporain. Dans ce sens, le capitalisme de plateforme représente l'un des moteurs de toute une série de transformations plus générales qui sont à la base de la phase dite cognitive du capitalisme. L'autorisation de cette phase est élaborée par un ensemble de chercheurs marxistes, dont la plupart italiens, qui ont essayé de saisir les changements qui étaient en train de se vérifier à la fin de la période fordiste dans le rapport capital-travail au sein du mode de production capitaliste. En effet, d'après la thèse du capitalisme cognitif, dans les dernières décennies, on a assisté à l'affirmation d'une nouvelle forme historique du capitalisme fondée sur l'exploitation systématique de la connaissance, où les composantes cognitives, relationnelles et affectives du travail sont à la base des processus de valorisation et accumulation du capital. Cette thèse trouve son explication dans la diffusion d'une intellectualité diffuse qui coïncide avec la crise du fordisme et qui a été suivie par, je cite, un mouvement de réappropriation collective des puissances intellectuelles de la production. Pour résumer les raisons sous-jacentes de cette réappropriation, on pourrait en identifier trois. La contestation grandissante de l'organisation rigide et atomisée du travail et sous le taylorisme, l'expansion des services de la protection sociale qui a rendu la contrainte du salaire moins forte, l'émergence des travailleurs dotés d'une formation de plus haut niveau a fait que la division du travail changeait et la dimension intellectuelle commençaient à jouer un rôle fondamental. Dans ce sens, la productivité et la valeur du temps du travail dépendent non seulement de la quantité de temps employé, mais aussi de la qualité avec laquelle cette activité est accomplie. Si l'on voulait essayer d'entrer dans le cœur de la question, il y a effectivement certains points essentiels à retenir lorsqu'on veut saisir les formes d'accumulation et de valorisation à l'œuvre dans le capitalisme cognitif. Tout d'abord, la richesse est produite non seulement à partir des ressources matérielles, mais aussi à partir d'éléments intangibles qui acquièrent de cette façon un poids décisif. Ces actifs immatériels sont fondés sur des capacités humaines difficilement mesurables et quantifiables qui sont afférentes aux dimensions cognitives, relationnelles et affectives. En plus, l'activité productive qui assure la création des valeurs économiques ne suit plus un modèle organisationnel prédéfini et unique. Au contraire, on assiste à la mise en place de plusieurs formes organisationnelles dont la structure privilégiée devient le réseau, ce qui comporte le remplacement de l'intégration verticale dans l'entreprise avec un processus de progressive externalisation. Le travail s'individualise et se précarise. Du côté quantitatif, on observe l'augmentation des horaires des tâches, tandis que du côté qualitatif, on voit que les compétences émotives et intellectuelles des travailleurs deviennent des composantes clés pour le succès des firmes. C'est à cet auteur, d'ailleurs, que l'on commence à assister à l'effritement des frontières qui caractérisaient le capitalisme industriel. Temps de travail, temps libre, hiérarchie et marché, rente et profit. La valeur produite par le travail cognitif devient ainsi dominante et décisive dans le processus d'accumulation du capital, qui ont pour cible maintenant la vie sociale. Si l'on regarde de plus près le modèle des plateformes numériques, on voit qu'elles s'appuient justement sur ces dynamiques que l'on vient d'évoquer et en font le cœur de leur capacité à produire de la valeur. Ce que l'on retrouve plus précisément est la mise en valeur des interactions sociales, du temps libre des individus, des comportements, des préférences, tout en profitant des effets de réseau que les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent d'engendrer. Les frontières entre firmes et marchés évanouissent et toute activité aux ressources peut devenir objet d'échange. Il s'agit d'un rapport social de production qui se fonde sur ce que les individus produisent en société en coopérant, en communiquant, grâce à leurs propres capacités cognitives, affectives et relationnelles. C'est dans ce sens qu'il est possible d'affirmer qu'à la base du processus de valorisation du capitalisme cognitif, il y a à l'œuvre l'expropriation du commun en tant que ce qui se produit autonomement dans la société à travers la collaboration, l'échange, la création, l'éducation, l'interaction et l'expression à la fois individuelle et collective de la subjectivité humaine. Dans cette optique, les plateformes numériques représentent l'une des incarnations principales de cette dynamique et c'est pour cette même raison que l'on croit que le capitalisme de plateforme ne peut être pleinement compris qu'à la lumière de la phase historique dans laquelle il s'est appuyé. Dans les sillages de cette approche, on comprend que l'enjeu central du capital est de persévérer dans son effort d'expropriation du commun et donc il en découle que tout type de résistance alternative ne peut que viser à se réapproprier ce commun. Cette richesse, déjà là, est toujours en train de se produire et se reproduire. Ce processus inhérent au capitalisme cognitif peut être ulteriorement clarifié à la lumière de l'affirmation du paradigme néolibéral, paradigme à la fois économique et politique qui a orienté les changements majeurs dans ces mêmes décennies sur le plan économique, social et politique. C'est dans le croisement avec les politiques néolibérales que l'expropriation de ce qui est produit socialement peut être comprise. En effet, comme Foucault nous le rappelle dans son analyse des sous-courants économiques et politiques dans le cours Naissance de la biopolitique, d'après les néolibéraux, la rationalité économique est une forme de rationalité qui peut et qui doit s'étendre dans les domaines extra-économiques tout en façonnant la vie sociale elle-même, d'après l'idée que le libre jeu concurrentiel et la création des situations de marché un peu partout sont en mesure de produire la meilleure des sociétés possibles, où la poursuite de l'intérêt personnel peut se déployer librement. Soumettre la société entière à la dynamique concurrentielle signifie, dans les termes des néolibéraux, faire de la forme entreprise le modèle à partir duquel penser et façonner non seulement la société, mais aussi la vie personnelle. Cette injonction à faire de la forme entreprise la puissance en formant de la société, qui n'est rien de moins que le processus par lequel la société est au fur et à mesure prise dans un effort continu de production des profits économiques en tant que comportement rationnel, se croise avec l'expropriation du commun. On peut observer un double mouvement à travers lequel D'une part, la société s'organise autour du principe de la valorisation économique et, de l'autre, l'accumulation du capital s'effondre de plus en plus sur la captation de la valeur produite socialement. À travers cet encadrement du capitalisme de plateforme, dans la phase cognitive du capitalisme, on veut précisément essayer de saisir la portée de l'essor de l'économie numérique. On croit que prendre en considération les dynamiques et les contradictions inhérentes au capitalisme cognitif peut nous aider à analyser l'espace de manœuvre des plateformes coopératives. À cette fin, et à partir de l'hypothèse que l'enjeu central tourne autour de la réappropriation du commun, on a choisi d'employer une approche qui analyse les plateformes coopératives en tant qu'expérience qui envisage l'émergence du commun comme mode de production, tel qu'il a été sectorisé par Brancaccio, Giuliani et Vercellone. On privilège une approche qui nous semble politiquement plus adéquate lorsqu'il s'agit de saisir la possibilité, pour ces expériences alternatives, de faire système en renversant les rapports de force actuels. L'autorisation du commun comme mode de production est sûrement une tentative ambitieuse de relancer la question des communs en termes affirmatifs et d'en faire un principe politique de transformation de nos sociétés. Plutôt que de rester ancré dans une vision conservative qui fait des biens communs des ressources déjà existantes à préserver, le courant opéraïste aborde le commun comme une logique qui peut animer les expériences les plus différentes, une logique qui met au cœur de la production économique et de la reproduction sociale l'autogestion, la démocratie, la valeur d'usage et l'inappropriabilité de tout ce qui est nécessaire à cette fin. De cette façon, on peut passer d'une approche centrée sur la question de la gestion de certains biens censés être naturellement à disposition de la communauté à l'idée que ce n'est que lorsque les individus organisent collectivement la vie productive et sociale que le commun émerge en tant que mode de production alternatif. Cependant, cette conception du commun n'élève pas un principe transcendant et déconnecté des conditions concrètes qui devraient être mises en place par une sorte d'imposition. Au contraire, son émergence est ancrée dans les dynamiques réelles du capitalisme contemporain, dans les noyaux d'autonomie potentielle apparus au sein d'une phase historique où les forces propulsives de l'économie deviennent la connaissance et les capacités cognitives et relationnelles des individus. En effet, on assiste à un processus où cette connaissance et ces capacités, englobées dans le capital fixe, retournent du côté des travailleurs. Cependant, elles prennent la forme de capital humain sous l'impulsion de politiques néolibérales. On devrait ainsi penser le pouvoir de la coopération sociale en termes de possibilités d'émancipation qui restent encore à construire et à tester. Plus spécifiquement, l'organisation de l'activité productive répond au commun comme mode de production lorsque deux critères sont satisfaits. Premier, il n'y a pas de droit exclusif sur l'organisation du travail et l'appropriation de la valeur. Et le deuxième, la coopération du travail repose sur d'autres mécanismes sociaux que la hiérarchie managériale et l'objectif de la rentabilité financière. Toutefois, avant de problématiser le coopérativisme de la plateforme, il est important une dernière précision, je crois. Effectivement, certains caractères du coopérativisme, partage de la valeur produite, gouvernance démocratique, mutualisation des risques, facilitation de l'accès à un service, etc., entraînent bien souvent par des communs pour parler des plateformes coopératives. Cette confusion est symptomatique d'un côté des éléments de proximité entre communs et coopératives, et de l'autre d'un manque de précision dans la définition des spécificités des deux domaines. Il importe de mieux donc définir ces termes afin de clarifier en quoi les communs se distinguent des coopératives. Tout d'abord, on doit considérer l'histoire du coopérativisme, une histoire qui date au XIXe siècle pour contrer le rapport d'exploitation du capital sur le travail, en rendant les salariés également associés et actionnaires majoritaires de l'organisation, détenant aussi la majorité du droit de vote. Les coopératives sont des sources d'inspiration très significatives pour les communs dans la mesure où elles ont pu expérimenter différentes formes d'institutionnalisation. D'ailleurs, les communs ont besoin d'un statut pour être reconnus sur le plan juridique et pouvoir mener leur propre activité. D'autant plus qu'il n'y a pas encore au présent des dispositifs juridiques spécifiques en mesure de leur fournir toutes les conditions essentielles à leur développement. En revanche, même si l'importance du modèle coopératif, surtout en tant que force de protection des travailleurs de la prédation du capital, nous apparaît dans toute son urgence aujourd'hui, il ne correspond pas dans tous ses aspects à la logique qui anime la mise en place d'un commun. Dans une coopérative, en effet, il s'agit davantage de l'autoprotection des travailleurs et de poursuivre l'intérêt des coopérateurs. En revanche, les communs ont vocation à protéger, préserver ou à enrichir un écosystème de ressources matérielles ou immatérielles. La priorité des communs est l'intérêt général, l'utilité sociale qu'ils sont en mesure d'engendrer. De ce point de vue, l'élément qui marque au fond la différence entre coopérative et commun est la logique qui en motive la création. D'une part, la défense des travailleurs, de leurs droits et du pouvoir décisionnel qu'ils devraient exercer en tant qu'acteurs principaux de l'activité productive. D'autre part, la défense d'un système de biens ou la revendication d'un ensemble de ressources, services publics, logiciels, outils de production, produits culturels, à produire collectivement à partir d'une logique d'intérêt commun afin d'en faciliter l'accès, le partage et l'usage selon les besoins de la société. La complémentarité possible tient au fait que l'on peut imaginer des communs organisés sous forme coopérative et des coopératives animées par la logique des communs, à savoir centrées sur la création de valeurs sociales et sur des formes de gouvernance ouvertes et multiparties prenantes. À la lumière de ces remarques sur les spécificités des communs et coopératives, il devient possible de faire jouer ensemble le coopérativisme de plateforme avec la perspective du commun. Plus précisément, penser le commun comme mode de production par rapport aux plateformes signifie prendre en compte les aspects suivants. Une organisation horizontale du travail, une forme de gouvernance démocratique et décentralisée, de façon que toutes les parties prenantes puissent avoir un poids dans le développement de la plateforme, une idée démocratique de la technologie qui comporte non seulement faciliter l'accès, mais aussi mettre les utilisateurs et les travailleurs dans la condition de connaître la façon dont la plateforme fonctionne, de pouvoir contribuer à la mise en place et au développement de la plateforme, à sa gestion. Après, la propriété commune des moyens de production, ce qui veut dire aussi des algorithmes et des données, centrer la logique productive sur la valeur d'usage, sur la valeur écologique, sociale et ou culturelle de son activité, et dernièrement, une modalité cohérente d'assurer à la fois l'autonomie et la soutenabilité de la plateforme. À partir de cette grille de lecture, on va prendre maintenant en considération les difficultés et les enjeux principaux du coopérativisme de plateforme. Les principaux points critiques concernent effectivement la stratégie politique envisagée ainsi que la viabilité économique de ces plateformes. Tout en considérant le côté politique, il faut souligner la tendance, pourrait-on dire réformiste, du coopérativisme de plateforme, dans la mesure où il ne se pose pas dans un rapport de rupture radicale avec l'économie capitaliste, plutôt il vise à corriger certaines dégénérations. Pourtant, dans une réalité où les plateformes capitalistes jouent un rôle quasi monopolistique, l'enjeu ne peut pas être seulement d'atténuer certaines contradictions en créant des alternatives, mais aussi et surtout de se réapproprier ce qui rend possible le capitalisme de plateforme lui-même, c'est-à-dire les infrastructures numériques, les outils de travail collaboratif, serveurs, logiciels, espaces de stockage, réseaux, appareils, qui sont de plus en plus indispensables dans tout type d'activité, aussi celles qui ne sont pas strictement liées aux plateformes. Le problème des stratégies politiques concerne en effet moins la pression à exercer pour réglementer la prédation du capitalisme de plateforme, ce dont le coopérativisme de plateforme est bien conscient, que l'idée d'adopter et imiter les technologies et le fonctionnement des plateformes capitalistes. Mettre en place de véritables formes d'économie collaborative implique non seulement changer la propriété des moyens de production, mais aussi repenser les algorithmes qui font tourner la plateforme. En effet, leur fonctionnement est affecté par, je cite, les rapports sociaux qui en sont à l'origine. En l'occurrence, l'algorithme est pensé pour incrémenter l'efficience et la rentabilité du service au détriment des conditions de travail et d'emploi. Éviter de cloner et d'utiliser les technologies des plateformes signifie, dans ce sens, élaborer une plateforme radicalement nouvelle pour qu'elles ne reproduisent pas les mêmes formes d'exploitation, individualisation, précarisation et incitation à la performance. Les plateformes coopératives, en outre, opèrent dans un environnement complètement façonné par les plateformes capitalistes qui offrent, dans la plupart des cas, des services efficients et pas cher, et qui exploitent les effets des réseaux que leur activité a engendrés tout en étant les premières à s'affirmer dans le marché. Il y a effectivement une difficulté à entrer en compétition avec le pouvoir économique et technologique de ces plateformes. L'idée de rendre l'activité des plateformes plus éthique, de prendre en compte des valeurs autres que le profit et de donner la priorité aux travailleurs est un point de départ, mais on ne voit pas effectivement dans quelle mesure une plateforme coopérative ne pourrait pas s'intégrer au marché tel qu'il est. Le risque d'élargir la gamme des plateformes proposant des services ou des biens aux consommateurs et des pouvoirs, dans le meilleur des cas, accaparer une petite niche de marché. En effet, il est encore à démontrer dans quelle mesure les plateformes coopératives pourraient affecter significativement leur environnement économique. On constate une certaine tension entre un projet économique et politique qui vise à contester la domination du capitalisme de plateforme et la traduction pratique de ce projet qui semble plutôt se concrétiser dans la diversification d'un marché qui reste tel quel d'un point de vue structurel. Ce n'est pas un hasard si dans la création de plateformes coopératives, on retrouve parfois des récits qui relèvent d'une logique entrepreneuriale, avec un langage managérial un peu édulcoré et mitigé par des revendications assez vagues, ce qui rend concret le risque de cooptation. À cet égard, il est assez emblématique que le Platform Cooperativism Consortium, fondé par Scholz en 2016, ait reçu un financement d'un million de dollars par Google afin de promouvoir le développement des coopératives opérant dans l'économie numérique. En même temps, pas mal de plateformes coopératives qui ont vu le jour jusqu'au présent ne semblent pas encore en mesure de répondre aux exigences des travailleurs les plus touchés par les politiques néolibérales, c'est-à-dire les plus précaires qui peuplent les marchés du travail à faible revenu. La stabilité de l'emploi est un objectif non seulement difficile à atteindre, mais aussi, dans certains cas, il n'est même pas l'objectif de la plateforme qui suit un autre type de logique. Certaines n'envisagent pas des formes d'emploi stable et misent sur des rétributions liées aux contributions des usagers. D'autres ont essayé de créer des marchés internes basés sur le troc, l'échange de services ou la création de monnaies alternatives. Si l'intérêt de cette logique réside dans le dépassement du rapport salarial et de l'échange marchand, on doit constater que cette forme de rémunération par des aides matérielles basées sur les contributions ne peut qu'être viable et joignable par des personnes qui ont déjà une certaine stabilité financière et qui bénéficient d'autres revenus. La diffusion d'un modèle de ce type serait possible dans un environnement où ces initiatives sont à la fois majoritaires et fédérées, dans un réseau capable de garantir tout ce qui est nécessaire aux individus. C'est par ailleurs ce que Marx aussi soulignait en toute autre époque, lorsqu'il soutenait les expériences coopératives pendant la Commune de Paris. Le cadre politique de la Commune assurait l'essor des coopératives et surtout leur articulation économique cohérente afin de régler la production nationale selon un plan commun. Toutefois, d'après Marx et Engels, régler la production nationale, la force coopérative n'est pas suffisante en soi pour impacter le mode de production capitaliste. Si elle n'est pas accompagnée par une coordination entre les coopératives et un travail éminemment politique visant à changer les rapports sociaux de production. Seul un effort concerté de ce type pourrait rendre le coopérativisme économiquement viable et politiquement émancipateur en permettant de s'affranchir du rapport salarial. Dans la situation actuelle, le risque est que les plateformes coopératives finissent par s'adresser à une population privilégiée tout en reproduisant les inégalités existantes de classe, genre et sexe. Le bassin des main-d'œuvre peu qualifiée, précaire et souvent étrangère, qui est exploité par les plateformes capitalistes, en effet, se retrouve dans des conditions matérielles qui ne rendent pas idéale la mise en place d'une coopérative, et cela notamment pour des raisons qui ont à voir avec le manque de ressources financières et pour le fait que souvent il s'agit de travailleurs sans papier. L'approche du commun comme mode de production ouvre des voies pour surmonter ces difficultés que l'on vient d'évoquer. Il est cohérent avec l'idée du coopérativisme de plateforme. En même temps, cette approche nous permet de penser l'articulation de la coopérative en termes d'ouverture par rapport à l'environnement où elle opère, ce qui signifie répondre à l'intérêt de la collectivité, tout en créant des liens avec d'autres réalités de ce type dans une logique fédérative. Dans cette optique, on pourrait aussi remettre au cœur des enjeux politiques la réappropriation de ce qui est produit par la coopération sociale en articulant une action orientée à la construction des formes d'autonomie numérique. C'est seulement en s'occupant de ses propres infrastructures et outils de travail collaboratif qu'il est possible de penser à une sortie de la double logique de l'extractivisme et de la surveillance. Et c'est seulement en exerçant la souveraineté numérique que l'on peut commencer à imaginer la fin de la domination des géants du web. Ce sont des étapes cruciales pour pouvoir faciliter et garantir l'accessibilité des services numériques, créer des modalités alternatives de validation sociale et économique et reconfigurer la production à partir des besoins des communautés concernées, qu'elles soient membres de la coopérative ou pas. Construire des véritables alternatives capable de ne pas reproduire la hiérarchie et les formes d'exploitation à l'œuvre dans les entreprises classiques est un travail long et compliqué. Il s'agit de pratiques inventées qui impliquent prendre les distances également de la conception d'homme economicus de l'économie classique pour changer les habitudes en termes de consommation et production, sensibiliser les individus au partage, à la coopération, à la prise de décision en commun. Il en découle l'importance de revendiquer une approche centrée sur le commun. On le retrouve des modalités nouvelles de penser l'usage des ressources, les finalités de l'activité productive et l'action collective. On aborde maintenant les enjeux concernant l'aspect économique. Cette question semble tout d'abord être moins épineuse par rapport aux coopératives classiques qui rencontrent des difficultés majeures pour mobiliser les capitaux nécessaires à la création de la structure et à sa croissance. Une étude publiée en 2022 aborde justement la question de la faisabilité des plateformes coopératives dans le contexte de l'économie collaborative, notamment de l'économie à la demande, secteur où l'urgence des travailleurs pour avoir des conditions d'emploi et de travail plus stables s'est manifestée dans toute son intensité. En même temps, il faut constater la présence d'un nombre assez faible de plateformes coopératives, ce qui nous renvoie aux firmes autogérées, en l'occurrence à la question de leur rareté. Le débat sur la rareté des firmes autogérées est assez riche et on retrouve pas mal de tentatives d'explication. Certains portent sur la tendance à sous-investir et sur une mauvaise allocation du capital. D'autres sur la faiblesse de l'incitation au travail et sur l'incompatibilité entre la réduction des coûts de transaction et une forme organisationnelle horizontale. D'autres encore insistent sur l'environnement institutionnel, sur la difficulté à coordonner l'action collective d'associés avec des profils hétérogènes et sur les risques de dégénérescence. Il s'agit d'arguments qui ont été contestés, mais on ne rentrera pas dans les détails. Ce qui nous importe est comprendre dans quelle mesure ces aspects affectent la plateforme coopérative aujourd'hui. D'après l'étude que l'on vient de mentionner, les facteurs clés à partir desquels examiner la faisabilité des plateformes sont trois. Premièrement, la mobilisation des capitaux reste un point critique, dans la mesure où, dans la plupart des cas, les travailleurs à la tâche de l'économie à la demande ont des revenus faibles qui ne leur permettent pas d'atteindre le capital nécessaire pour organiser la plateforme. Le type de technologie employée, ainsi que la nature de la plateforme également, joue un rôle dans la définition des capitaux nécessaires, dans la mesure où ce serait moins onéreux de créer une plateforme à partir d'une coopérative déjà existante, plutôt pour des travailleurs précaires, que de la créer à partir de zéro. Deuxièmement, même si l'adoption d'outils numériques permet de réduire les coûts de transaction, liés à l'agrégation des préférences dans des groupes basses et hétérogènes, en même temps les personnes qui les animent peuvent incarner des visions politiques et culturelles assez différentes, ce qui rendrait plus compliquée la coordination au sein de la coopérative. Troisièmement, la facilité avec laquelle les plateformes numériques peuvent surmonter les frontières nationales les oblige à se confronter à des contextes juridiques, économiques et sociaux très variés, ce qui parfois peut être source de problèmes. Plus précisément, chaque nation présente des spécificités qui sont susceptibles de favoriser ou défavoriser la création de plateformes coopératives. En plus, il semble y avoir une corrélation entre les revendications politiques et la présence des plateformes coopératives. Plus le niveau de contestation des plateformes capitalistes sera haut, plus ce sera facile à installer une plateforme alternative. Tous ces points soulèvent des problèmes sur la viabilité des plateformes coopératives et nous indiquent que mettre en place une plateforme de ce type est plus faisable lorsque les investissements initiaux requis sont faibles, les motivations qui sous-tendent la création de la plateforme sont similaires parmi les travailleurs et les institutions exercent une activité de support. Quoi qu'il en soit, ces défis restent et exigent des solutions adaptées à la spécificité de la plateforme concernée et de l'environnement où elle opère. D'un point de vue du contexte économique, il y a un autre point à retenir, point qui en l'occurrence concerne les modalités d'obtention des financements et qui dépend des politiques bancaires, tant à niveau européen que national. Dans le contexte économique actuel, ce sera plus difficile pour une plateforme coopérative d'obtenir un crédit parce que cela impliquerait d'être rentable dans un délai de temps assez court pour rembourser cet emprunt. On se retrouve en face d'une situation paradoxale où, je cite, les plateformes coopératives, incarnation juridique la plus proche du socialisme autogestionnaire, sont obligées d'extraire un excédent de gestion assez rapidement pour se développer quand les plateformes capitalistes peuvent s'y soustraire, tant qu'elles continuent à lever des fonds du fait de l'espoir potentiel, soit des monopoles, soit des rachats de la société par un de ses concurrents. Cette pression de l'environnement externe, cette incitation à être rentable, qui se traduit dans la maximisation du profit à court terme, est en opposition avec le modèle économique des coopératives, qui est plutôt orienté vers un développement soutenable. En effet, les coopératives ont un taux de survie assez élevé, en tout cas plus élevé que celui des fonds capitalistes. Pour résumer, on comprend que la plupart des difficultés mentionnées concernent le manque de ressources financières adéquates pour augmenter la taille de la plateforme et par conséquent créer des économies de réseau. Toutefois, la question centrale à considérer lorsqu'on envisage le modèle économique des plateformes coopératives est que leur modèle économique ne peut pas être proche de celui des plateformes capitalistes, car ces dernières se fondent sur des mécanismes extractivistes. Comment implanter un modèle économique viable en rejetant un modèle dont les composants les plus problématiques en font en même temps la fortune? Les premières études sur les plateformes alternatives nous montrent que leur modèle économique ne se développe pas en fonction de leur environnement économique. Ces plateformes essaient plutôt de se distinguer de la forme de concurrence dominante dans leur domaine d'activité, en particulier dans leur porte-à-passe. Les 8 plateformes alternatives examinées adoptent une variété de modèles économiques qui trouvent sa raison d'être dans leur capacité à prendre les distances des plateformes commerciales et à proposer des produits à fort composant environnemental et social. Cette capacité leur permet, je cite, d'échapper à l'effort de concurrence dominante et d'attirer et fidéliser des communautés de consommateurs, d'usagers prêts à valider sous une forme ou une autre cette capacité, la valeur supplémentaire créée. Ce dernier point nous suggère l'importance de constituer des complémentarités entre logique coopérative et perspective du commun. Merci.